raconteront la belle histoire sous la poussière des temps anciens, dérouler les chevaux de la mémoire. Avant de gagner le pays d'un diable vert, sous la houppe lente d'un servage inconnu, ils vont à l'exil au gré des autres lumières. Et la moisson de demain.